Premier livre des Chroniques, chapitre 15. Or David bâtit pour lui des maisons dans la cité de David, et prépara un lieu pour l'arche de Dieu, et lui tendit un tabernacle. Et David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu, et pour faire le service à toujours. David donc assembla tous ceux d'Israël à Jérusalem, pour amener l'arche de l'Éternel dans le lieu qu'il lui avait préparé. David assembla aussi les enfants d'Aaron, et les Lévites. Des enfants de Kehath, Uriel le chef, et ses frères, Sivan. Des enfants de Merari, Asaïa le chef, et ses frères, 220. Des enfants de Gersom, Joël le chef, et ses frères, 130. Des enfants d'Élite Safan, Semaja le chef, et ses frères, 200. Des enfants d'Hébron, Eliel le chef, et ses frères, 80. Des enfants d'Uziel, Aminadab le chef et ses frères, 112. David donc appela Sadoc et Abiathar les sacrificateurs, et ses Lévites là, savoir, Uriel, Asaïa, Joël, Semaja, Eliel, et Aminadab, et il leur dit, vous qui êtes les chefs des pères des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et transportez l'arche de l'Éternel le Dieu d'Israël, au lieu que je lui ai préparé. Parce que vous n'y avez pas été la première fois, l'Éternel notre Dieu a fait une brèche entre nous, car nous ne l'avons pas recherché comme il est ordonné. Les sacrificateurs donc et les Lévites se sanctifièrent pour amener l'arche de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et les enfants des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules, avec les barres qu'ils avaient sur eux, comme Moïse l'avait commandé suivant la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites, d'établir quelques-uns de leurs frères qui chantassent avec des instruments de musique, savoir des musettes, des violons, et des cymbales, et qui fissent retentir leur voix avec joie. Les Lévites donc établirent Héman fils de Joël, et d'entre ses frères, Asaph fils de Bérécia, et des enfants de Merari, qui étaient leurs frères, étant fils de Cusaïa, et avec leurs frères pour être au second rang, Zachari, Ben, Jaaziel, Semiramoth, Jeiel, Unni, Eliab, Benéja, Maaseïa, Matitia, et Eliphalu, Mikneïa, Obed-Edom, et Jeiel, portier. Et quant à Héman, Asaph, et étant chantre, ils sonnaient des cymbales d'airain, en faisant retentir leur voix. Et Zachari, Haziel, Semiramoth, Jeiel, Unni, Eliab, Maaseïa, et Benéja jouaient de la musette, sur Alamoth. Et Matitia, Eliphalu, Mikneja, Obed-Edom, Jeiel, et Azaria jouaient des violons sur l'octave, pour renforcer le ton. Mais Kenaïa, le principal des Lévites avait la charge de faire porter l'arche, enseignant comment il la fallait porter, car il était homme fort intelligent. Et Bérécia et Elkana, étaient portiers pour l'arche. Et Sébania, Jéhosapha, Nathanaël, Amasaï, Zachari, Benéja, Éliézé, sacrificateur, sonnait des trompettes devant l'arche de Dieu, et Obed-Edom et Jéhia étaient portiers pour l'arche. David donc et les anciens d'Israël, avec les gouverneurs de milliers, marchaient, amenant avec joie l'arche de l'alliance de l'Éternel, de la maison d'Obed-Edom. Et selon que Dieu soulageait les Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, on sacrifiait sept veaux et sept béliers. Et David était vêtu d'un éphod de fin lin, et tous les Lévites aussi qui portaient l'arche, et les chantres, et Kenaïa, qui avait la principale charge de faire porter l'arche, était avec les chantres, et David avait un éphod de lin. Ainsi tout Israël amena l'arche de l'alliance de l'Éternel, avec de grands cris de joie, et au son du cor, des trompettes et des cymbales, faisant retentir leur voix avec des musettes et des violons. Mais il arriva, comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, que Michal fille de Saül, regardant par la fenêtre, vit le roi David sautant et jouant, et elle le méprisa dans son cœur.